Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique « Mi-science impossible ». « Mi-science impossible », c'est une émission durant laquelle les agents Justine... Bonjour Justine. Bonjour Gaëtan et bonjour à tous les auditeurs. Aussi l'agent Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Gaëtan, bonjour Justine, bonjour à tous. Et donc moi-même, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de phénomènes physiques ou chimiques, avec aujourd'hui un dossier spécial dont vous n'allez pas tarder à connaître le contenu. Pour info, l'ENSIC, c'est une école d'ingé, située en vieille ville de Nancy, et dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On étudie la physique et la chimie dans les thèmes de l'énergie et de l'industrie. Alors maintenant, découvrons ensemble le déroulé de l'émission. Alors Justine, quel sera le premier sujet que tu vas explorer ? Eh bien, on va faire en quelque sorte suite à ta chronique sur la formation des orages, donc je vais aujourd'hui vous apprendre comment se forment les cyclones. Ah, trop bien ! Et vers quelle destination allons-nous ensuite nous envoler avec toi ? Eh bien, nous allons plutôt rester sur Terre et je vous parlerai du mécanisme préféré des végétaux, je parle bien évidemment de la photosynthèse. Tu nous as préparé des sujets très intéressants, j'ai hâte d'entendre tout ça. Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, nous avons au programme de ce jour un dossier spécial sur un événement marquant qui a dépassé le simple cadre de l'industrie chimique. Et toi Bertrand, je te laisse le soin de nous en dire plus. Alors aujourd'hui, je vais revenir en détail sur l'accident survenu au port de Beyrouth l'an dernier. Nous allons y aller étape par étape et vous verrez tout ce qui a pu amener à ce malheureux accident. Je suis certain que tu vas nous apprendre plein de choses sur le sujet. Allez, entrons dans le cœur de l'émission. Agent Justine, emmène-nous dans l'œil du cyclone. Eh bien, alors déjà, on va poser les bases. Qu'est-ce qu'un cyclone ? Bien, c'est une zone de forte dépression atmosphérique qui va au final donner des pluies très fortes et des vents très violents. Donc d'abord, les cyclones ne se forment qu'au-dessus des océans, et des océans chauds. L'eau doit en fait y être d'environ 26 degrés et sur environ une cinquantaine de mètres de profondeur. Donc des masses d'air très chaudes vont alors s'élever au-dessus de l'eau, créant une dépression. Sauf que cet air est donc chauffé par l'océan, mais aussi par le soleil. Ces masses d'air vont alors se réchauffer très vite et s'élever très vite, créant ainsi des vents qui vont devenir de plus en plus violents. Mais avec cette chaleur venant de l'océan et du soleil, l'eau va facilement s'évaporer et être entraînée par les masses d'air, rendant cet air très humide et gorgé d'eau. Mais les masses d'air chaudes ne s'arrêtent pas et continuent de monter, et encore monter. Ensuite, la température se refroidit de plus en plus avec l'altitude, ce qui accentue l'effet de basse pression. La vapeur d'eau va alors se condenser et devenir des gouttelettes d'eau. Toujours en même temps, les vents subissent la force de Coriolis, qu'on ne détaillera pas ici, mais ça va faire dévier ces vents et ils vont tendre à avoir une trajectoire en spirale en même temps qu'ils vont monter. Cela va alors mener à cette forme qu'on a souvent pour se représenter justement les cyclones, avec donc, oui, cette spirale, et au centre se forme l'œil du cyclone, et les vents s'enroulent autour de cet œil qui va former un peu l'axe central. Au fur et à mesure que les masses d'air humides montent, cela forme des gros nuages pleins d'eau, et quand ils sont saturés, eh bien ils relâchent toute cette eau sous forme d'averses de pluie, le tout accompagné de vents violents qui tournent toujours autour de cet axe. Puis heureusement, enfin si on peut dire ça, quand un cyclone va toucher les côtes, parce que oui, il se déplace aussi, il va certes produire des dégâts avec ses vents et ses pluies sur quelques centaines de kilomètres sur les terres, mais il va ensuite s'affaiblir en n'étant plus alimenté en eau et en masse d'air chaude. C'est vrai que les cyclones sont très impressionnants, et certains passent même leur vie à les chasser pour les photographier sous tous leurs angles. Maintenant, c'est le moment de faire une petite pause musicale, et avant de passer au grand sujet du jour, nous allons nous écouter Fire on Fire de Sam Smith sur Fadjet. My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath and steal the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire would normally kill us, with this much desire, together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. is when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes. You are perfection, my only direction. It's fire on fire. It's fire on fire. We fight like lions, but then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't say a word, but still you take my breath and steal the things I know. There you go, saving me from home. Much desire, together we'll witness. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me and tell me you love me, and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. Normally kill us, but this much desire, together we're winners. They say that we're out of control, and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire on fire, we're normally kill us, with this much desire, together we're winners. They say that we're out of control, and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. You are perfection, my only direction. It's fire on fire. Nous sommes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mission Impossible, en compagnie des agents Bertrand et Justine, qui venaient de nous expliquer comment se forment les cyclones. Si vous avez manqué cette partie de l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Fadjet afin d'écouter le podcast de celle-ci. Nous allons maintenant nous tourner vers un tout autre domaine. Nous allons revenir avec toi Bertrand sur une actualité qui a frappé le monde entier cet été, à savoir l'explosion sur le port de Beyrouth. Si vous voulez en savoir plus sur les circonstances de cet incident, je vous prie d'écouter ce que l'agent Bertrand a à nous apprendre là-dessus. Merci Gaëtan. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, quand on parle d'industrie chimique, ils pensent immédiatement aux catastrophes qu'il y a et donc au risque d'explosion. Aujourd'hui, je vais prendre le temps habituellement consacré à deux chroniques pour revenir sur une des catastrophes qui a eu lieu dans le milieu de la chimie, pour expliquer comment ça a pu se passer et montrer que les explosions qui ont eu lieu ne sont pas dues à un manque de rigueur quand les scientifiques ont établi la liste des éléments à risque, mais plutôt à un non-respect de cette liste. La différence est extrêmement importante. Je vais dans un premier temps vous parler de l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. Pour ceux qui s'en souviennent, l'explosion a eu lieu à 18h, heure locale, et l'accident est dû à l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui était stocké dans un des hangars du port. Pour ceux qui se le demandent, le nitrate d'ammonium, c'est tout simplement un engrais. Il n'est pas considéré explosif dans des conditions normales, même à très forte concentration, mais il peut le devenir en cas d'exposition à une forte source de chaleur et de matière organique, comme du bois par exemple. Maintenant, on va parler du déroulement des faits. Tout commence en 2013, et oui, 7 ans avant la catastrophe. Un bateau contenant le nitrate d'ammonium doit faire escale à Beyrouth, car il a des problèmes techniques. Malheureusement, pour lui, les autorités du port interdisent au capitaine de reprendre la mer avec le bateau. Il décide alors d'abandonner le bateau dans le port, plutôt que de payer les frais de réparation. Le nitrate d'ammonium est alors déchargé dans le port et est stocké dans un des hangars depuis. Entre 2013 et 2020, le service des douanes a signalé 6 fois que le stockage de ces produits était dangereux, mais ils n'ont pas été écoutés. Je répète parce que ça peut paraître fou, la douane a tiré le signal d'alarme en disant « c'est dangereux », mais n'a pas été écoutée. Et quand je parle de stockage dangereux, je parle des conditions de stockage. Le nitrate d'ammonium était stocké dans des sacs parfois troués, dont le contenu se déversait sur le sol. Donc on est ici bien loin des conditions optimales de sécurité. De plus, ces sacs étaient collés à des palettes en bois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a le contact entre le produit et la matière organique, il ne nous manque que la chaleur pour créer une explosion. En juin 2019, les services de sécurité ont demandé à ce que l'entrepôt soit vidé et à ce que les réparations soient faites. La justice n'a pas suivi cette demande par rapport au déstockage, mais le port a tenu à réparer l'entrepôt. On a parlé du produit, mais on va parler de ce qu'il y avait d'autre dans cet entrepôt. Selon les rapports, il y avait aussi 23 tonnes de feux d'artifice, plusieurs dizaines de tonnes de phosphate d'ammonium, on s'en fiche un peu, du thé et un bon millier de pneus. Ça, ce sont les faits. C'est ce qu'on a officiellement avec les clichés, enfin les différents rapports et le reste de ce que je vais vous donner. C'est ce qui a été déduit en fonction des vidéos, des simulations et des autres médias. Donc, je vais commencer tout de suite. La cause exacte de l'explosion n'est pas encore sûre, mais on pense qu'elle est due à un départ d'incendie dû aux travaux de soudure pour la réparation de l'entrepôt. Sachez qu'il n'y a pas eu qu'une seule explosion. Les enquêtes et les reconstitutions qui ont été faites ont permis de déterminer un ordre chronologique des événements, et je vais vous le donner. Dans un premier temps, il y a eu une fumée blanche qui s'est élevée du coin nord-est du hangar. C'est le départ de l'incendie, a priori donc dû aux travaux de soudure. 5 minutes plus tard, la fumée change de couleur, elle devient noire, ce qui signifie que ce qui brûle a changé. C'est donc plus la même chose. Et on sait que les pneus qui brûlent dégagent une couleur noire. Le troisième élément est causé par la propagation de l'incendie vers le coin nord-ouest du hangar. Une première explosion a lieu. Et les experts ont déterminé, grâce aux vidéos, que celle-ci était due à l'explosion de matériel explosif, comme des feux d'artifice. Le dernier élément, vous l'aurez deviné, c'est l'explosion du stock de nitrate d'ammonium à proprement parler. La suite, vous la connaissez sûrement. Plus de 200 morts, plus de 6500 blessés, une dizaine de disparus et des pertes matérielles estimées à plusieurs milliards de dollars. Là, vous me direz sûrement... Mais, alors personne n'a les sciences infuses, mais comment est-ce qu'ils auraient pu éviter ça? C'est une excellente question, Jean Gaëtan. Eh bien, tout dépend de la réglementation, parce que la réglementation diffère en fonction des différents pays. Si on prend la réglementation anglaise, selon l'article de 2004... Storage and Handling Ammonium Nitrate, oui mon anglais est génial, donc le stockage et la façon dont on doit se servir du nitrate d'ammonium, le stockage maximum de ce produit dans un entrepôt est limité à 300 tonnes. Je vous rappelle qu'il y avait, dans celui qui a explosé, environ 2750 tonnes, soit presque 10 fois la limite maximale autorisée. De plus, les sacs contenant le produit doivent absolument être séparés les uns des autres et éloigné des murs d'au moins 1 mètre. Et dans le cas du port de Beyrouth, vous pourrez aller vérifier, les sacs étaient empilés les uns sur les autres. Donc on est loin d'avoir les 1 mètre de distance. Si vous prenez la régulation australienne cette fois, vous pouvez stocker plus ou moins autant que vous voulez, si vous gardez des piles de maximum 500 tonnes, et que vous les espacez suffisamment, et qu'il y a suffisamment de distance entre le lieu de stockage, donc les entrepôts, et les premières habitations. Il y a des équations pour calculer l'espace entre deux piles et la distance minimale entre la localisation des premières habitations et celle du produit, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Certains pourraient alors se poser la question suivante. Mais alors, est-ce que ce genre d'explosion pourrait se produire en France? Bon, si vous continuez à me piquer mes questions, je vais finir par perdre mon travail, moi. Bon, pour te répondre, est-ce que ce genre d'explosion pourrait se produire en France? Eh bien, oui et non. Oui, car ça a déjà eu lieu. Par exemple, le 21 septembre 2001 à Toulouse, sur le site de l'usine AZF. Heureusement, il y avait moins de quantité de produits, seulement 300 à 400 tonnes, mais l'explosion a quand même causé 31 morts, environ 2500 blessés et d'énormes dégâts matériels. Oui, car nous ne connaissons à ce jour toujours pas la cause exacte de l'explosion. Faute technique qui a engendré un mélange de produits, attentat, une première explosion souterraine qui aurait engendré celle d'AZF ensuite, des perturbations sur le réseau EDF qui auraient engendré des arcs électriques, on le saura probablement jamais. Ensuite, non, ce n'est pas possible. Car suite à cette catastrophe, de nouvelles législations ont vu le jour. De nouveaux outils permettant de calculer les risques doivent être utilisés. L'urbanisation autour des sites est réglementée et en cas de nouvelle catastrophe, l'explosion de la ZF a permis le développement de nouveaux dispositifs de gestion de situations d'urgence et de suivi des victimes. Malheureusement, il y a des catastrophes, il y en aura. Mais toutes les catastrophes, bien que dramatiques, permettent de développer des mesures pour éviter les suivantes. C'est ce que l'humanité a toujours fait. Il faut tomber pour apprendre à mieux se relever. Merci pour toutes ces informations, Bertrand. Je pense aussi qu'il est important de rappeler que tous les événements qui ont pu amener à une catastrophe de cette ampleur, il faut se les remémorer et en tirer des bonnes leçons pour l'avenir. Passons maintenant à un petit interlude musical. Écoutons ensemble Sugar de Maroon 5 sur Fadjet. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Mission Impossible se poursuit sur les ondes de Fadjet. Nous allons maintenant nous plonger dans le monde des végétaux et c'est toi, Justine, qui va nous parler de la photosynthèse. Je te laisse la main. Merci bien, Gaëtan. Alors, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça, notamment peut-être à travers le fait qu'on dit souvent que les arbres et les forêts sont très importants pour la planète et le climat, et donc que la déforestation ne va pas aider à limiter le réchauffement climatique. Bon, vous me direz, quel rapport ? Eh bien, une des causes présumées du réchauffement climatique, c'est l'émission de CO2, ou dioxyde de carbone. Et là, on tient un des premiers éléments de ce dont on va parler, la photosynthèse. Et oui, car les végétaux, comme les arbres, mais ils sont loin d'être seuls, savent et peuvent utiliser ce gaz qu'est le CO2. En fait, tout se passe sur les feuilles. Leurs feuilles qui sont, pour faire simple et généraliser, vertes. Mais elles ne sont pas vertes pour rien. Mais alors, qu'est-ce qui donne la couleur à quelque chose d'ailleurs? Eh bien, pour être coloré, il faut qu'il y ait un pigment. Et donc, il en existe un très grand nombre pour avoir toutes les couleurs qui existent. Exactement, on va parler de nos amis les pigments. Et c'est ce que possèdent nos feuilles, justement. Alors, on a notamment la chlorophylle, qui est donc verte. C'est aussi ce qui peut se trouver dans les chewing-gums à la menthe, par exemple. Mais la chlorophylle n'est pas seule. On trouve aussi ce qu'on appelle le pigment carotène. Carotène, carotte, alors de quelle couleur est-il? Orange, évidemment. En fait, il est moins fort que la chlorophylle verte. C'est pour ça que les feuilles ne sont globalement pas oranges. Sauf en automne, quand les feuilles jaunissent, et c'est là, justement, qu'on peut le voir. Et ces pigments vont avoir un rôle clé. Et d'ailleurs, ces pigments, ce sont des molécules. Va ensuite intervenir un autre élément essentiel qui est la lumière. Sans elle, rien ne peut se passer. En effet, la lumière va venir taper sur la feuille et va en quelque sorte réagir avec les pigments. En fait, elle va les faire changer de forme. Ce qui va entraîner une cascade de réactions, utilisant justement le CO2, dont on a parlé avant, mais elle va aussi utiliser de l'eau. Attends deux secondes là, mais le CO2, il est dans l'air. Alors comment est-ce qu'il peut être utilisé à l'intérieur de la feuille? C'est une très bonne question, ça Gaëtan. En fait, les feuilles, elles ont pensé à tout. Et c'est pour ça qu'à leur surface, mais majoritairement sur la face inférieure, se trouvent des minuscules pores, donc comme des trous, qu'on appelle les stomates. D'ailleurs, stomate, ça a la même origine étymologique que bouche, parce que finalement, c'est là où rentrent les nutriments. Et cette combinaison de CO2, d'eau et de lumière, permet à la plante de produire du O2, donc l'oxygène, mais aussi du glucose, c'est-à-dire du sucre, dont elle peut se servir pour vivre et avoir de l'énergie. Donc en fait, la photosynthèse, c'est tout simplement la synthèse de matière organique, donc le sucre, par entre autres la lumière, d'où le préfixe photo. Super. Et bien, tu viens de nous montrer une fois de plus que la chimie se retrouve partout, et surtout au cœur du vivant. Nous allons maintenant pouvoir passer à notre cher et tendre quiz de fin d'émission. Alors aujourd'hui, le thème, j'ai fait assez original, puisque nous sommes le 19 février, ce sera un quiz sur le 19 février. D'accord. C'est parfait. Le 19 février, ça dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais il faut savoir que c'est la date funèbre de la mort de Bon Scott, qui était le premier chanteur du groupe AC/DC, et qui est décédé donc en 1979. L'année suivante, on a l'album Back in Black, qui a le modeste prestige d'être l'album de hard rock qui a fait le plus de ventes de tous les temps, savoir 50 millions, ce qui est pas mal, ouais. 50 millions, c'est pas rien. Et donc, à partir de là, on va se pencher sur les albums studio qui ont généré le plus de ventes depuis le début de l'industrie du disque. Voilà, je vais vous demander de me remettre dans l'ordre les 5 meilleures ventes de l'histoire de la musique, de la 5e à la première place. Alors, notez bien. Dans la liste, on a The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, sorti en 1973, Thriller de Michael Jackson, sorti en 82. Le chanteur Meat Loaf avec Bat Out of Hell en 1977. Le groupe Fleetwood Mac avec l'album Rumours en 1977 aussi. Et enfin Back in Black, comme je l'ai cité, en 1980. Allez, faites-moi votre petite liste. Alors, moi je mettrais Thriller en premier. Ouais, je pense que quand même c'est pas mal, ouais. Attends, t'avais pas dit tout à l'heure que en 1980, c'est eux qui avaient explosé toutes les ventes? J'ai dit dans le milieu du hard rock. Ah. Ah oui. Je vais quand même le mettre en numéro 2. Et ça pourrait. Je peux vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Ah super. C'est pas mal. Par contre, pour les trois autres, aucune idée. Je ne connais pas. Enfin, je connais aucun des trois. Je t'avoue que c'est pas trop ma zone de confort non plus, genre ce style musical. Donc. Bon, ok. Et eh ben. J'aime bien ça, mais bon, au moins j'irai. Je connais pas, mais j'irai écouter. Eh bien, écoute, je vais me permettre de finir. Donc, vous aviez effectivement les deux top 1 et 2, voilà, les deux premières places du classement. Donc, ensuite, on retrouvait l'album des Pink Floyd avec 45 millions de ventes, tandis que l'album Thriller en compte 65 millions et donc, je l'ai dit, Back in Black 50. Ensuite, on a le chanteur Meat Loaf que j'ai connu en faisant ce classement, qui lui a atteint les 43 millions d'exemplaires. Et en cinquième position, le groupe Fleetwood Mac. Et son album qui a été vendu à 40 millions d'exemplaires. C'est des chiffres assez hallucinants. pour info aussi, dans le top des disques les plus vendus, on a aussi des albums qui ne sont pas des albums studio, mais qui sont par exemple des bandes originales de films, comme la BO de Bodyguard, chantée entre autres par Whitney Houston, ou bien celle de Saturday Night Fever, chantée par les Bee Gees, qui ont atteint respectivement 45 et 40 millions d'exemplaires vendus au total. Après, il faut savoir mesurer un peu ces chiffres, parce que comme ce sont souvent des chiffres qui sont donnés par les maisons de disques et qui sont donnés dans un but commercial, des fois les chiffres sont un peu gonflés pour augmenter le prestige de l'album. Donc c'est un peu à prendre avec des pincettes. Mais ça donne un bon ordre d'idée. Alors toujours sur le 19 février, on va parler d'un film un peu ancien, car le 19 février, c'est la sortie du film Les Parapluies de Cherbourg, en 1963, donc le 19 février 1963, un film de Jacques Demy qui est le premier film français à être à la fois un film et un film musical. Et donc Les Parapluies de Cherbourg, certains connaissent le film et certains connaissent le parapluie de Cherbourg, l'objet. Et ben en fait, c'est 23 ans plus tard, après le film, que Jean-Pierre Yvon, qui était originaire de la région du Cotentin, a créé la marque Le Véritable Cherbourg, qui deviendra officiellement le Parapluie Cherbourg en mars 2020. Et donc moi, je suis allé faire un petit tour sur la boutique, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles, mais il y en a un en particulier qui a pu attirer mon attention. Est-ce que vous allez pouvoir le retrouver dans les quatre propositions qui suivent? Alors en premier, on a le modèle Le Catherine, en hommage à Catherine Deneuve qui joue dans le film Les Parapluies de Cherbourg. C'est un parapluie dont le design change chaque année et que l'actrice met en avant couverture des magazines ou lors de cérémonies officielles. Sa particularité est que les baleines du parapluie sont en fibre de verre. Deuxième modèle, le Cotentinois, un parapluie muni d'un petit capteur GPS pour pouvoir visualiser la position du parapluie sur son téléphone. Pratique pour les têtes en l'air qui éparpillent trop leurs affaires. Ah oui, c'est étonnant ça. En troisième, le Parapactum, le parapluie des super-héros qui résiste aux balles de pistolet et dont l'efficacité n'est plus à prouver. Je crois que James Bond est intéressé par l'objet pour une prochaine mission d'ailleurs. Et enfin, le Mary Poppins, un parapluie qui, grâce à un bon coup de vent, vous permet de débarquer chez les gens en passant par la cheminée. La maison des parapluies de Cherbourg décline toute responsabilité pour les mains courantes et plaintes déposées suite aux intrusions de votre part. Eh bien... J'aimerais tellement que les deux derniers existent. Quelle sélection! Est-ce que tu peux répéter les deux premiers, s'il te plaît? Je reste bloqué sur les deux. Le Catherine, qui a un design changeant et des baleines en fibre de verre. Et le deuxième, c'est le Cotentinois, avec un petit capteur GPS pour jamais perdre son parapluie, qui vaut un certain prix, donc ça peut se comprendre aussi. Hein. Non, moi j'irai le 1. Oui, quand même, okay. le 1, je pense que c'est le plus plausible. Enfin, en soi, le parapluie avec un GPS intégré, je sais que ça existe. Mais je sais pas si jamais c'est... Mais l'autre, je me dis que ça doit être plus sympa. Ok, les votes sont tombés. Bah, j'ai le plaisir, parce que c'est un plaisir personnel, de vous dire que la bonne réponse était le troisième, le Parapactum. Non. Alors j'ai un peu enjolivé, parce qu'il n'arrête pas totalement les balles, mais vous verrez qu'il est l'ami, surtout des personnes importantes. En fait, c'est un modèle qui pèse 2,5 kg et qui a pour fonction... en plus d'arrêter les gouttes de pluie, de protéger celui qui l'abrite de toutes sortes d'attaques. Donc, il peut bloquer des projections d'objets lourds, il peut bloquer les assauts de chiens d'attaque, il peut repousser même certains individus armés. Et cette arme de protection est devenue assez naturellement le compagnon de sortie des présidents de la République française. Et c'est très utile pour leur garde rapprochée. Et c'est vrai. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui... Enfin, pour du coup, ceux qui portent les parapluies... pendant toutes les sorties du président. Et... les gardes du corps, oui. Bon, ça va, ils ont les muscles pour, mais 2,5 kilos, c'est un beau parapluie. Ça finit par faire lourd, quand même. Mais je pensais pas qu'on avait pu imaginer un tel objet sur un parapluie, quoi, donc c'est sympa. Si. Bah, en fait, c'est ce modèle qui donc, protège le président, puis il y a d'autres modèles qui sont aussi vendus par la boutique de l'Élysée, mais qui sont produits dans le Cotentin. Et donc j'avais dit que le premier parapluie que j'ai inventé, j'ai dit qu'il avait des baleines en fibre de verre, et ça existe bel et bien, et c'est un des modèles qui est créé par l'entreprise qui s'appelle l'Antibourrasque. Et pour la dernière petite anecdote, le parapluie de Cherbourg a été mis à l'honneur dans le clip La pluie de Stromae et Orelsan. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. C'est ainsi que s'achève cette émission de Mission Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, au nom Mission Impossible. Vous pouvez aussi venir poser vos questions sur ces réseaux et nous y répondrons peut-être dans une future émission. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 5 mars, toujours à 16h. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine! Salut, à bientôt!